triste nouvelle aujourd'hui. On apprend. Bon, on savait très malade. C'est pour cette raison qu'il ne s'était pas déplacé à Montréal. C'est Rusty Staubs. Probablement la première, et pas probablement la plus grande vedette de l'histoire des expos. La première vedette de l'histoire des expos. On en parle avec Jacques Doucet. Salut, Jacques. Salut. Jacques, Rusty Staubs, c'était la première grande vedette de l'histoire des expos. Hein. Eh bien, oui. Puis les expos ont bien failli pas l'avoir. Si tu te souviens bien. Lorsqu'on a fait la transaction, les expos avec les Astros de Houston, c'était Ezra Salou et Don Clendenon qui avaient été envoyés aux Astros. Et Clendenon avait refusé de se rapporter à sa nouvelle équipe. OK, OK. Alors, habituellement, dans une telle situation, le commissaire annule la transaction. OK. Et Bowie Kuhn semblait avoir un petit coin particulier pour Montréal dans son cœur, surtout que John McHale, qui était supposé devenir le commissaire, lui avait cédé sa place pour devenir président des expos. Alors, il avait dit, non, la transaction tient, mais les deux équipes vont devoir s'entendre pour la perte de Clendenon. Okay. C'est à ce moment-là que les expos avaient envoyé deux lanceurs, Skip Gwynn et Jack Bellingham, pour compléter la transaction. Okay. Et moi, je me souviens, pendant le camp d'entraînement, Rusty n'avait même pas le droit de s'entraîner avec ses coéquipiers. Il s'entraînait sur un terrain auxiliaire, devine avec qui? Avec le directeur gérant, Jim Fanning, le propriétaire de l'équipe, Charles Bronfman, et le président de l'équipe, John McHale. Okay. Alors, il y a quelqu'un qui lançait des balles à Rusty, qui frappait des balles au champ extérieur, et les autres récupéraient des balles pour les retourner vers l'avant-champ. Mais qu'est-ce qui faisait que Rusty Staubs était tant aimé? Parce que bon, je vois depuis sur les médias sociaux plusieurs sortes des photos à l'époque de Rusty. C'était-tu sa gentillesse? C'était-tu parce que c'était un bon joueur? Qu'est-ce qui fait qu'on le qualifie de première grande vedette de l'histoire des expos? Ben d'abord, il avait appris le français. OK. Alors ça avait fait un impact incroyable sur la population francophone du Québec. Okay. Et Rusty se dépensait corps et âme après la saison. Il était vraiment le premier ambassadeur du baseball au Canada. Il représentait les expos, il allait à Vancouver, il allait dans les prairies, il allait en Ontario, il allait au Québec, il allait dans les Maritimes. Pour, moi je le disais, qu'il était, c'était un évangéliste, mais pour le baseball. Okay, OK, OK. Et moi, j'ai eu le privilège de travailler étroitement avec lui parce que il n'a passé que ses trois saisons à Montréal avant de revenir en 1979. Mm. Et le journaliste du Montreal Star, John Robinson, avait écrit sa biographie en anglais, Le Grand Orange des Expos. OK. Et moi, l'éditeur m'avait demandé de le traduire en français, ce livre, lorsque j'ai fait. Alors, j'avais travaillé. Ah, c'est un livre qui existe actuellement, le livre de Rusty? Ah, oui. Ça a été publié il y a longtemps. Puis d'ailleurs, okay. Je l'ai encore une copie ici. Et sur la première page, Rusty me remerciait de mon travail en France. Mais il l'avait écrit en français. OK. Et ouais. Rusty avait appris le français. Et lorsqu'il a quitté Montréal, il pouvait faire des entrevues en français. Il comprenait très bien le français. Et en 1979, lorsqu'il est revenu à Montréal en fin de juillet, lorsqu'on l'a présenté à la foule comme frappeur suppléant contre les Pirates de Pittsburgh, il y avait presque 60 000 personnes dans le stade, ça s'est levé d'un bloc. Ça l'a ovationné pendant à peu près 5 minutes. Rusty n'en revenait pas, il avait les larmes aux yeux. Il était tellement ému qu'il s'était lancé, c'est le plus bien lancé qu'il a vu, puis il a frappé un faible ballon. Ça, c'est quelque chose que, écoute, on a vu ça sur des vidéos d'archives. Écoute, j'étais trop jeune à l'époque. Moi, ce que je me rappelle de Rusty Staubs, c'était avec les Mets, parce qu'il a fini sa carrière avec les Mets. C'était l'un des meilleurs frappeurs suppléants du baseball. Oui. C'est ce que je me rappelle de lui. Rusty avait été échangé aux Mets en retour de Foley, Singleton et Jorgensen. Oui. Et la population avait crié. Parce que Rusty, c'était, écoute, leur première grande vedette. Oui, je sais que Bill Stoneman avait lancé un match sans point ni coup sûr dans les 10 premiers jours de l'histoire de l'équipe. Mais le gars qui avait vraiment marqué la première saison des Expos à Montréal, c'était Rusty. Okay. Et Rusty, sa première saison, si tu jettes un coup d'œil sur ses statistiques, je pense qu'il avait frappé 29 circuits et produit 74 points. Et frappé pour 300 sa première année. Mm-hmm. L'année suivante, la direction des Expos, il avait dit, Rusty, tu peux peut-être oublier la moyenne de 300, mais produis des points. Okay. Il a frappé 30 circuits, il a produit 94 points. Mm. C'est pas n'importe quel frappeur qui peut faire ce changement-là, s'adapter aux exigences de son gérant, comme il l'avait fait. Okay. Et c'est après toutes les années qu'il était absent de Montréal, parce qu'il est parti après sa troisième saison, Quand il est revenu en 79, il n'avait pas oublié son français et au camp d'entraînement de suivant, Rusty était là parce qu'il n'avait pas encore accepté son contrat. Il était en négociation avec les Expos. Et moi, je lui avais demandé, je lui ai dit, Rusty, ferais-tu les amateurs de sport avec moi? C'est cassé, il dit, pas de problème. Mais je lui ai dit, écoute, les gens vont surtout te poser des questions en français. Je lui ai dit, je vais les traduire, puis toi, tu me donneras ta réponse. Mais donne-moi des réponses courtes, parce que je vais traduire ta réponse qui va être en anglais. Et il l'avait fait en français? Ben oui, premier appel, c'est une dame qui lui parle en français. Je viens pour traduire, Rusty dit, non, Jacques, j'ai très bien compris. Et il lui avait répondu en français. Hey. Après toutes ces années-là. Et par la suite, lorsqu'il a après sa carrière, là, il est devenu restaurateur à New York, il a travaillé comme analyste au match des Mets, et chaque fois que les Expos allaient à Montréal, il ratait jamais une occasion sur la galerie de presse de venir dans le studio de CKAC pour nous saluer, puis rappeler son bon souvenir aux amateurs de baseball de Montréal, puis il y avait encore beaucoup d'amis. Malheureusement, il y a quelques années, il a été victime d'un infarctus. Ça n'a pas été fatal, mais ça l'a miné sa santé pour le restant de sa vie. Puis malheureusement, il est décédé aujourd'hui à l'âge de 73. C'est pas vieux, ça. Dans le cas de Rusty, je regarde la transaction Ken Singleton, Mike Jorgensen, Tim Foley. C'était pas mauvais du tout, là. C'est parce que, tu sais, un peu comme quand les Expos avaient échangé... de Lionel de Shields pour Pedro. Tu sais, la population de baseball du Québec, dans le cas de Rusty, c'était leur grande vedette. Ouais. Et lorsque de Shields est parti, c'était la vedette montante des Expos, mais on savait pas qu'est-ce qu'on allait obtenir en retour. Ouais. Du côté des Expos, on a toujours eu deux versions de son échange avec les Mets. L'un, c'est pour une question d'argent, parce que Rusty en voulait beaucoup, parce qu'il était conscient de son statut de vedette. Okay. Et l'autre, les Expos disaient, ben oui, mais on est allé chercher trois réguliers contre un seul. Puis quand tu regardes ça, Singleton, la première, je pense que c'est la première année, il avait produit 100 points, je pense, la première année, je m'abuse. Ah, je me souviens pas, là. C'est un peu long. Mais tu sais, tu allais chercher un gant doré presque au premier but en Jorgensen, qui parlait un peu français aussi. Et Singleton et Foley, eux, avaient marié des Québécoises avant d'être échangés. Alors, tu sais, il y en a qui a été changé aux Pirates de Pittsburgh, puis Singleton a été changé aux Orioles. Mais tu sais, ça avait été trois joueurs d'impact aussi. Oui. Pour les Expos en 79, quand ils avaient été cherchés, c'était pour avoir de la profondeur sur le banc, j'imagine, pour venir frapper le gros cochon. Oui, c'était surtout ça. Écoute, il ne s'emmenait pas ici comme régulier. Non. C'est sûr, parce qu'il arrivait un petit peu au bout de sa carrière. Mais aussi, on voulait avoir un impact. Un peu comme on l'a fait quand on a rapatrié Gary Carter. Quand on a rapatrié Tim Raines. C'était des joueurs qui avaient marqué l'histoire des Expos, qui arrivaient en fin de carrière, et on voulait leur faire un dernier tour de piste à Montréal. Ouais, c'est quand même... Donc Rusty, lui, il n'a pas son tour de piste à Montréal n'a pas duré longtemps. Il est retourné au Mets par la suite comme joueur autonome ou quelque chose, c'est là qu'il a fini sa carrière. Si moi je me rappelle de lui surtout en fin de carrière avec les Mets, comment c'était un frappeur super, il était dangereux. Il avait de la puissance sur le banc. Il avait un œil incroyable au bâton et si tu te souviens bien, là, il a été le premier bras puissant chez les voltigeurs de droite des Expos. T'as eu lui, t'as eu Valentine, t'as eu Dawson, après t'as eu Guerrero. Mais c'était la marque de commerce. Au champ droit, les Expos avaient, avec Rusty, puis ensuite après avec Valentine et les autres, des joueurs qui étaient respectés par l'adversaire. On prenait pas un but additionnel contre eux. Larry Walker n'était pas mauvais non plus. Là. Ben non, mais c'était un autre. C'était la même foulée. Oh oui. Jacques, c'est des bons souvenirs pareils. Écoute, on savait très malade parce que je sais que Perry G, qui fait l'organisation, il l'avait invité. Mais il ne pouvait pas venir. D'ailleurs, l'Expo Fest, c'était dimanche passé. Oui, effectivement. Il est décédé aujourd'hui. Jacques, merci beaucoup d'avoir pu, parce que j'ai l'impression que le téléphone n'arrêtera pas de sonner aujourd'hui. Ça va se calmer un peu, là. Ça fait 5 ou 6, là, mais là, ça va calmer un peu. Merci beaucoup, on s'en parle durant la saison. OK, Danny. Le collaborateur Jacques Doucet.